ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Autour du feu, votre podcast hebdomadaire qui analyse chaque épisode de la saison 20 de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Je suis Plantcaster, vous me connaissez. Vous connaissez également mon associé Damien. Salut Damien. Salut Plantcaster. Vous retrouvez également Gargo qui a déjà été là pour un précédent épisode. Salut Gargo. Salut à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Gargo, 12 ans, est de la chaîne Koh-Lanta News. Et passionné de Koh-Lanta depuis 2014. On retrouve également Marius qui avait été là pour l'épisode 6. Salut Marius. Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau revenant avec quelqu'un qui a changé de pseudo. On l'appelle aujourd'hui Ozymandias, mais nous, on continuera à l'appeler Massalia. Salut Massalia. Bonjour. On va reprendre la méthode de Felouz et de Griffiths qui, la semaine dernière, avaient analysé les candidats les uns après les autres pour un peu évaluer leur position dans le jeu. On va commencer avec le personnage principal du jeu, Cindy, qui a gagné énormément de temps de montage et gagné énormément d'attention cette semaine avec une stratégie agressive mais visible, ce qui peut nuire à son jeu. Est-ce que vous pensez, comme moi, que Cindy est devenue le personnage central, principal de ce jeu et si elle peut continuer à l'être sans se risquer de se prendre... un coup fatal. Pour moi, je vais faire une petite analogie avec le jeu d'échecs. Cindy, c'est la reine, c'est celle qui fait tout au cours de la saison, les gros moves, et c'est celle qu'on voit le plus, qui est le plus mis en lumière en termes de jeu, qui agit le plus, donc ça peut la mettre en danger sur ça, et surtout elle est très agressive dans la manière dont elle joue, même si elle n'a pas vraiment le choix. Mais je pense quand même que Cyril reste le roi, si on continue sur cette analogie. Alors il fait peut-être moins de moves, mais il continue de mieux se placer et il a un montage beaucoup plus positif. Pour moi, Cindy est devenue le personnage le plus intéressant de la saison et est aussi devenue la plus stratège de l'histoire de Koh-Lanta, en tout cas du côté des femmes. Et Cyril aussi joue pas mal son jeu. Puis je trouve que cette saison est vraiment la saison de la stratégie. C'est vraiment la meilleure saison. C'est vrai qu'on est quasiment tous unanimes sur le fait que Koh-Lanta tend à être de plus en plus stratégique, ou du moins... ALP tend à présenter Koh-Lanta comme un show de plus en plus stratégique, même s'il y en a un qui nuance un peu notre bilan, c'est Marius. Par rapport à la stratégie, je suis d'accord effectivement sur le fait que cette saison est, alors dans mes souvenirs qui sont pas forcément très précis, mais l'une des saisons, si ce n'est la saison, qui présente la stratégie de manière positive. Maintenant, là où je serais un peu plus nuancé, c'est que effectivement on reste sur deux très bons épisodes, mais sur la première partie, mis à part l'équipe des Rouges et ce qui était à l'époque le Quatuor, le reste, bleu et jaune, ne m'ont pas laissé cette impression tant favoriser la stratégie visible telle qu'on a pu le voir sur les deux derniers épisodes. Maintenant, j'attends de voir parce que si on prend Cindy qui est au centre réellement sur le dernier épisode, j'attends de voir si elle pourra durer sur le long terme ou si, par rapport à la bande-annonce de l'épisode de la semaine prochaine, on est peut-être déjà à son apex, son climax, avant éventuellement une élimination vu qu'apparemment ils sont en train d'installer un espèce de duel entre elle et Maxime. Je prends tout ce qu'il y a à prendre, effectivement c'est très bien, mais je garde les lauriers pour la fin de la saison. Alors il y a quand même Juju qui vient nuancer un peu ton propos en disant que étant donné que les bleus et les jaunes n'allaient pas au conseil, ils n'avaient pas forcément besoin de faire de la grosse strat. C'est vrai. Et du coup, ils n'avaient pas beaucoup de temps d'antenne. Après, j'ai un exemple en tête qui marque et qui, pour moi, reflète cette mentalité très Koh-Lanta. Alors, je sais que ça sonne péjoratif dans ma bouche. C'est quand Victor revient par miracle chez les jaunes et qu'il propose de parler stratégie et que tous les jaunes le lui refusent catégoriquement. Alors, je sais qu'ils n'avaient pas forcément besoin de le faire avec lui, mais ça restait dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une démarcation entre la pré-réunification et ce qu'on voit là depuis deux épisodes qui est extraordinaire pour Koh-Lanta. Je me pose la question là, est-ce que c'est pas au niveau du montage qu'il y a une réelle démarcation entre pré-réunification et post-réunification? Si justement on part du principe qu'il y avait de la stratégie chez les jaunes, j'ai pas le souvenir que le montage nous le montrait. Alors que là, on est vraiment sur un montage pro-stratégie. Alors, est-ce que c'est le montage qui a basculé ou est-ce que c'est les joueurs qui ont basculé ou les deux? Non, il y a eu un déclic avec l'élimination de Béatrice quand même. Moi, je dis, il y a l'aventure et ce qu'on voit à la télé. Là, on peut juger que sur ce qu'on voit à la télé. Après, quand on parle de l'aventure, ça doit être pas du tout pareil. Ouais, c'est ça, en mode la phase par équipe, sont plus dans le trip de l'aventure, la survie, la solidarité par équipe, tout ça. Et une fois qu'on est seul face à soi-même, là, on commence à sortir les couteaux et à poignarder les gens. On parlait de Cindy, enfin une femme stratège dans Koh-Lanta. Enfin, si on l'attendait. Il y avait eu quelques petits ersatz avec Isabelle de Koh-Lanta 9, notamment Patricia. De Raja Ampat, Genael aussi dans le All-Star de 2012. Mais une femme qui l'assume, qui est aussi bien représentée et qui pour l'instant roule sur le jeu, même si si on se dit qu'elle s'expose peut-être un petit peu trop et que est-ce que ce n'est pas justement le pic de son arc narratif à elle. À voir, est-ce qu'elle va tenir sur la durée comme ça? Mais là, elle nous a régalé sur cet épisode. C'est sa manière de montrer le collier. Alors, qui regardons Survivor, on se dit c'est suicidaire de faire ça parce qu'elle peut se faire éliminer dans la foulée, mais ça marche. Elle est forte sur l'épreuve de confort où elle mange sa chair de coquillage. Enfin, c'était horrible à regarder d'ailleurs, mais où elle gère, où vraiment elle est à fond. Ensuite, c'est son social avec Claude qui fait que elle se retrouve au courant de la stratégie de Brice de l'évincer et qui retourne complètement le jeu à son avantage, c'est-à-dire que personne ne pense à mettre des votes sur elle. Et ça, c'est un très bon jeu de sa part. En plus, elle est très franche, elle n'hésite pas à rentrer dans l'art des candidats. C'est la révélation de la saison. Non seulement elle est stratège, mais elle arrive à créer des liens comme avec Claude, et c'est ça qui l'a sauvée, parce que si elle s'était mis tout le monde d'ado, je pense qu'elle aurait été éliminée là vendredi soir. Ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est que c'est peut-être une des premières stratèges à ne pas du tout jouer à l'émotion. Je trouve qu'elle est vraiment très froide quand même. Elle utilise son social pour avancer. Ça se voit qu'elle serait prête à éliminer n'importe qui. Moi, je suis vraiment surpris, car quand j'ai vu son portrait pour la première fois, je me suis dit, elle n'a rien à faire à Koh-Lanta là, quand elle dit « je sais que c'est génial et j'ai pas peur de le dire ». Ça se voit que c'est de suite... quelqu'un qui va aller faire de la télé-réalité après. Mais en fait, non, je suis vraiment très surpris et je suis très content qu'il y ait une femme stratège dans Koh-Lanta, parce que ça fait, comme l'a dit Damien, très longtemps qu'on n'a pas eu de femme aussi stratège. Et surtout qu'il ne soit pas une kikou stratège, un peu comme avait fait Mel dans Koh-Lanta Fidji, où elle avait joué trop vite, trop fort et beaucoup à l'émotion. Et c'est vrai qu'elle joue froidement, et surtout, c'est ce que j'avais dit dans le précédent épisode, c'est sa plus grande force, c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, c'est quelqu'un qui a toujours cette espèce de détachement face au jeu. Et ça fait penser à certaines candidates étrangères aussi qui avaient ce même trait de caractère. Et ça fait plaisir justement, c'est de voir des gens qu'on se recule sur le jeu, qui jouent le jeu sérieusement, mais qui se prennent pas au sérieux, qui n'ont pas de vérité à asséner au monde comme ça. Et ça fait du bien, et c'est vraiment sa plus grande force, quoi, à Cindy. Et c'est ça qui la rend si appréciable. D'ailleurs, j'adore. Et il y a un point qui vient confirmer ce que tu dis, Damien, c'est Grumeau qui le souligne sur le chat, c'est que sur Twitter, elle est acclamée par les deux tiers de Twitter. J'ai eu un petit débat avec un mec qui la déteste. C'est plus ou moins la seule personne que j'ai vue qui vraiment n'aimait pas Cindy, mais sinon, au-delà de ça, les gens l'aiment beaucoup. Et je dirais même que la majorité silencieuse commence à parler de Koh-Lanta. Il y avait des personnes que je ne suspectais pas, qui au final regardent Koh-Lanta et qui nous disent que Cindy est leur candidate préférée depuis longtemps, tout ça. Et ça suscite en moi quand même un certain espoir de se dire qu'un bon Koh-Lanta sera peut-être de retour. Alors, on est encore aux prémices d'un Koh-Lanta vraiment full stratégie, avec un montage bien structuré, des personnages, un jeu mis en avant. Mais rien que le fait de lire ça plusieurs fois, ça procure en moi quelque chose quand même de nouveau. C'est-à-dire peut-être qu'on va enfin voir en France un vrai jeu de stratégie. Il y a encore quelques zones d'ombre, hein, avec le cas Béatrice, à la limite on en reparlera peut-être un petit peu après. Le fait qu'ALP soit enfin honnête avec la manière dont le jeu est fait me fait du bien, et doit faire du bien, je pense, à la plupart des gens qui ne s'exprimaient pas avant sur Koh-Lanta, sur les réseaux sociaux, peut-être de peur de se faire insulter par la minorité bruyante. Quand Koh-Lanta a commencé, on était vraiment dans la véritable télé-réalité, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui parlent de tout, qui s'en foutaient de l'image qu'elles avaient dans les caméras. On faisait des discussions sur le racisme, on voyait un mec qui disait clairement qu'il était d'extrême droite, un candidat qui traite une autre de pourriture, de sale... Enfin voilà, vous avez les insultes en tête. Et c'était un peu édulcoré au profit de l'aventure coubertinienne avec les valeurs humaines. Mais on commence à avoir un véritable programme qui se démarque des autres télé-réalités en prenant en compte un aspect qui diffère des autres programmes de télé-réalité, qui est le jeu, et donc accessoirement la stratégie et la tactique. Et c'est justement ça dont je parle quand je fais le commentaire de dire ça fait jamais que 19 ans. C'est-à-dire que on a j'ai l'impression là, avec les deux derniers épisodes qu'on vient de voir, qu'ils ont simplement découvert la véritable phase du jeu. C'est-à-dire qu'ils ont rien inventé en réalité. Ça reste la structure du jeu qui veut ça et qui est enfin utilisée comme elle doit être utilisée. Et c'est en ça que, moi, ça m'a toujours posé problème, c'est que on galvaudait le principe du jeu. Il y a peut-être un petit paramètre qui rentre en compte, c'est le fait que Koh-Lanta se décrit comme un jeu d'aventure, et que de fait, il y a une espèce de règle morale qui s'est implantée dans la tête des gens, en disant que si c'est une aventure, alors c'est de la survie, c'est de la compétition, c'est seul face à toi-même. Ça a bien été galvaudé, quoi. C'est comme si on jouait au Monopoly, en refusant de gagner de l'argent. Si Koh-Lanta était une véritable aventure de survie, il n'y aurait pas de conseils, et ce seraient les gens qui partiraient d'eux-mêmes. Oui et non, parce que c'est toujours les joueurs qui décident de la règle du jeu. Donc s'ils décident de voter au mérite en éliminant le dernier à chaque conseil unanimement, il n'y a rien à dire. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ça sera chiant, mais ça sera comme ça. Je comprends pas tout à fait les gens qui aiment, par exemple, bien Cindy parce que elle est stratège. Puis il y a des gens qui aiment pas Clémentine car elle a été trop stratège. Si Clémentine au départ était partie sur le mérite et a fini sur la stratégie, c'était pour aller plus loin dans l'aventure et c'est pas une règle interdite. Je vais répondre parce que je fais partie des gens qui apprécient pas trop Clémentine en tant que. Pareil. Alors moi je vais te dire, c'est pas par rapport à sa stratégie que ça me pose un problème, c'est que je trouvais qu'elle était parfois, je vais dire méchante, en tout cas de ce qu'on voyait gratuitement. Par exemple Ouais. quand Sandro lui donne, je sais plus s'il lui donne un collier ou un vote ou quoi que ce soit, Le collier. et qu'elle lui répond t'es bête ou quoi, Ah je ouais, trouve que ça c'est. c'est juste sa personnalité qui me plaisait pas. Et comme le dit El Predator sur le chat, c'est que Clémentine n'assumait pas. Comme disait Nasma, elle manquait de social. Mais Grumeau nous rappelle quand même qu'elle avait éliminé Yacine, le chouchou du public. Après, elle n'était pas la seule à avoir éliminé Yacine. Donc ça, je pense que je suis pas forcément d'accord avec ça. On va reprendre l'épisode un petit peu, on parlait un peu de Cindy. Quelqu'un tout à l'heure a mentionné un petit peu la dualité Cindy-Maxime. On a parlé de Cindy, on va peut-être essayer de parler un peu de Maxime, qui est un petit peu le deuxième personnage principal, et dont le montage Mais ils ont des trajectoires semble opposées. s'écrouler au fil du temps. Parce que Maxime était un petit peu le leader, peut-être de la meilleure équipe en soi, l'équipe bleue, qui a juste eu un conseil et qui s'est très bien débrouillé par la suite. Et puis, depuis qu'il a éliminé Frédéric, on a l'impression d'être passé d'un leader froid et inarrêtable à un stratège qui s'assume pas. Et ensuite, un montage en mode il est complètement vide aujourd'hui et il passe un petit peu pour le candidat dont les gens ne se soucient plus de son aventure. Il est complètement oublié aujourd'hui et oubliable. Il perd complètement la tête par rapport aux tactiques mises en place. Et du coup, on se demande si Maxime est vraiment crédible aujourd'hui, non pas pour la victoire, mais aussi pour aller très loin et pour être encore un personnage important. Alors là, Alors après. je suis pas d'accord. Je trouve que Maxime, pour le coup, est dans la stratégie. C'est juste que là, à mon avis, il se dit, je dois rien faire parce que si je bouge trop, je sors. Et surtout, c'est que en fait, bon, on sait maintenant, grâce à Angélique et grâce à Cindy sur leur Instagram, que Maxime et Béatrice étaient en alliance avec Brice et Steve, et que, en gros, Maxime a trahi Béatrice, si on va par là. D'une, et de deux, c'est qu'il sait qu'il est une menace, et justement, est-ce qu'il sait que il doit rester en retrait parce, en tant que menace pour ne pas se faire avoir. Et sur cet épisode, d'ailleurs, il ne se prend aucun vote. Bon, ok, Steve, on sait que Steve a le collier, mais il aurait tout à fait pu être visé. Et pour le coup, là, il a surtout profité, je pense, de la dynamique un petit peu qu'il y avait entre Brice, Chlo, Cindy et compagnie. Mais il a survécu à cet épisode et c'est plutôt bien joué, ça, de sa part, d'avoir su rester un petit peu en retrait. Et je sais que il est pas du tout fermé à la stratégie, parce que lors d'une story Insta qu'il a eu cette semaine avec Sophie, où il disait justement, moi j'étais venu pour l'aventure, mais la stratégie on peut pas faire sans, et du coup j'ai dû faire des stratégies. Maxime n'a plus ce montage de héros qu'on lui donnait un petit peu avant la réunification. Là, je pense que la semaine prochaine, entre Cindy et Maxime, ça va être du grand spectacle. Je vais prendre quelques commentaires là de personnes dans le chat. Certes, qui nous dit que Maxime essaye de se mettre en retrait et qu'il se met en retrait vis-à-vis d'épisodes des ambassadeurs, comme l'a dit Gargo précédemment. Paul pense aussi, alors Paul Alex qui est intervenu la semaine dernière, pense que l'élimination de Béatrice, pardon, l'a marqué et qu'il est sûrement déboussolé. Juju va peut-être un peu plus loin en parlant du montage, en disant qu'il avait l'air en perdition sur le dernier épisode. Il n'avait aucun impact, il était assez passif. Mais il rappelle quand même que, étant donné que Maxime est très bon dans les challenges, il aura toujours une cible dans le dos, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Donc, c'est des avis assez mélangés, assez partagés sur Maxime. C'est assez sympa d'avoir des avis qui divergent. Pour ma part, je pense quand même que Maxime, enfin, je le vois pas continuer comme ça, avec un montage de ce genre. Je vois pas Maxime vraiment continuer à aller loin avec cette stratégie-là, parce qu'il s'est seul de plus en plus. Il a perdu Béatrice, qu'il le voit comme un traître. Il a perdu Brice, qui n'était plus tellement de son côté. Dans le jury, Frédéric ne l'aime pas, Alexandre ne l'aime pas, Maxime pourrait aller loin si les gens comprenaient que face à lui, il gagnerait. Du coup, donc je le sais aussi de la part d'un candidat parce que j'ai mes petites entrées maintenant. Sur Instagram, donc Cindy qui a réagi aux attaques qu'elle se prenait de la part du public et Angélique qui a renchéri derrière. C'est-à-dire que Béatrice, en gros, avait une alliance avec Maxime, avec Brice et avec Steve, je crois. Et que son but à la base était d'éliminer un jaune, mais en ne restant pas dans la lumière. Par exemple, elle était allée voir Cyril en disant au début, on élimine Nicolas. Quand les caméras arrivent, elle dit non, non, non, mais je t'ai jamais dit ça, c'est faux. Et derrière, elle dit le lendemain, elle dit oublie ce que je t'ai dit, on vote Angélique. Et c'est pour ça que Cindy qui dit à Angélique, non mais c'est toi qui, de toute façon, c'est toi qui étais en danger. Apparemment, les deux se sont expliqués ensuite. Et Angélique a compris que en gros elle avait été ciblée par Béatrice. Et d'ailleurs c'est pour ça au début de l'épisode qu'on voit Aurélien, Angélique et Nicolas se réconcilier aussi rapidement. C'est parce qu'ils savent que les deux ont été un petit peu les instruments de la stratégie de Béatrice, stratégie qui a raté. Et c'est pas que ça n'a pas été montré à l'antenne, c'est que Béatrice faisait ses stratégies hors caméra. Alors, est-ce qu'elle voulait gérer son image, peut-être vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du public et tout, voilà, ce serait intéressant de le savoir. Mais en tout cas, c'est que la prod ne pouvait, je pense, pas faire grand-chose vis-à-vis de ça. Bah, du coup, ça expliquerait un peu la stratégie qui paraissait bizarre à la réunification, de voir les bleus minoritaires s'allier aux jaunes pour éliminer les rouges. Oui, du coup, Maxime avait raison de faire ce qu'il faisait, hein. C'était tout à fait logique. Moi, je trouve ça invraisemblable. Qu'on nous empêche de voir des éléments aussi importants au jeu pour qu'on puisse comprendre. Parce que, justement, pour en revenir à l'épisode de la réunification, où on voit les bleus partir sur un choix qui paraît invraisemblable, mais pas qu'à nous, même sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu en voir, les gens ne comprenaient pas pourquoi les bleus décidaient d'éliminer les rouges, alors qu'ils pouvaient clairement s'en servir pour renverser la majorité jaune. Et la prod, alors, soit elle n'y a pas accès, et dans ces cas-là, c'est de sa faute, parce qu'elle est censée pouvoir avoir accès à toutes les conversations, c'est le principe du jeu. Et si elle a accès et qu'elle décide de ne pas nous le montrer, c'est doublement sa faute, puisqu'elle elle nous trompe, quelque part. Même si on dira que le montage est positif pour Béatrice, pour un éventuel All-Star, peu importe. Là, en l'occurrence, sur cette saison-là, l'image qu'on nous vend d'un personnage est fausse. Béatrice, l'impression que ça donne, c'est qu'on essaie de nous la vendre comme l'héroïne un petit peu candide, qui s'est fait avoir, qui s'est pris un blindside qu'elle n'a pas vu venir parce qu'elle était vraiment dans la team mérite, je reste avec mon clan jaune, alors qu'en réalité, visiblement d'après les autres, c'est pas du tout le cas. Et c'est là que je pense qu'on nous trompe. Ça modifie l'image qu'on en a et la compréhension qu'on en a. Je voudrais un petit peu nuancer donc ce que dit Marius, c'est que si forcément les candidats ne donnent pas de la matière aux monteurs, les monteurs sont obligés de se débrouiller avec ce qu'ils ont. Et du coup, si une Béatrice, selon encore une fois Cindy, Angélique, faisait toutes ces strates hors caméra, ils n'ont pas les images, donc comment tu veux montrer cette stratégie à l'image quand tu n'as pas d'image? Non, là-dessus, je suis d'accord. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas les images, alors qu'ils sont censés avoir X caméras sur le camp, surtout que maintenant, il n'y a plus qu'un seul camp, ils sont encore 12 à ce moment-là. Je pense quand même qu'ils ont suffisamment de cadreurs et d'équipes pour gérer. Ils en sont quand même à leur 22e ou 23e saison. Et on n'est pas, c'est là que j'ai du mal à saisir, c'est qu'on n'est pas capable d'attraper les conversations les plus importantes, hein. C'est même pas simplement ils sont en train de discuter du riz ou du tas de bois à accumuler pour cette journée. On est sur de la discussion stratégique qui va orienter le jeu. De ce que je sais, la production TF1 investit beaucoup moins de moyens que la production de CBS, tout simplement parce qu'elle a moins de moyens également pour produire l'émission. Et que du coup. Apparemment. Et pour me. L'un des exemples, c'est les caméras la nuit. Dans Survivor, t'as des caméras de nuit qui filment, pour prendre l'exemple de Survivor ou même d'autres versions internationales, t'as des caméras qui filment de nuit. Mais ce serait. Pour Koh-Lanta, t'en as beaucoup moins. Ouais, ce serait une question intéressante à poser à. Là, évidemment, ils n'ont pas le droit de s'exprimer apparemment, mais peut-être qu'ils peuvent le faire en off, qu'ils puissent nous dire justement quel était le système. Après, tu sais, les caméras ou pas, si quelqu'un joue très bien son jeu et est très malin, il peut très bien choisir ses moments pour parler de stratégie. Dans Survivor, alors pour reparler un peu de Survivor, le principe du jeu c'est de le jouer. Du coup, les candidats ils s'en foutent de montrer ce qu'ils veulent. Et ça n'a pas empêché d'ailleurs des anciens candidats de jouer un petit peu avec les caméras pour avoir la meilleure image possible. Il y a des candidats qui me viennent en tête, hein, notamment un certain Barbu Pirate, j'en dirai pas plus. Mais sinon, dans Koh-Lanta, c'est un peu le même principe aussi. C'est que les caméras sont là pour capter des moments, mais que si tu fais attention aux caméras, tu peux choisir à n'importe quel moment quel sujet choisir dans les discussions devant les caméras. Même dans tes confessionnals, je veux dire, tu peux dire après tout ce que tu veux, sachant que après la prod doit rendre un produit fini qui dure 1h30 sur 3, censé résumer 3 jours. Derrière, la prod va se débrouiller pour trouver le montage le plus cohérent. Mais il se peut, et c'est peut-être dans le cas de Béatrice, que les candidats forcent un petit peu leur image. Il y a peut-être d'autres exemples qui vous viennent en tête, mais on va prendre un exemple d'une saison en cours. Béatrice, ça peut clairement être ça. Si elle attendait les moments sans caméra pour parler de strat, c'est qu'elle savait que si on la voyait en train de faire des strats, elle n'aurait pas la même image. Et une footballeuse professionnelle qui donc a un public qui pourrait mettre à mal son image, ce serait pas forcément un bon choix. On va essayer de voir un petit peu aussi l'évolution d'un binôme quand même qu'on adore depuis le début. Ils ont été en plus ensemble donc dans l'épreuve des binômes à l'épisode dernier, c'est Cyril et Maude. Donc nos deux candidats préférés, surtout Cyril. Hein. Il a continué à jouer dans la même veine. Hein. De toute façon, là, il a rien fait de plus hein, cette semaine, je trouve. Mais bon, au final, il n'a pas eu à utiliser son collier, donc bah, c'est tout bon. Hein. Deuxième Et pour moi, immunité pour Maude en réunification quand même. c'est la meilleure doyenne de l'histoire de Koh-Lanta. Non, entièrement raison. T'as entièrement raison, Gargo, là-dessus. C'est que, en général, les femmes de plus de 50 ans étaient souvent des faire-valoir dans Koh-Lanta. De temps en temps, par chance, on avait une qui arrivait assez loin, comme Véronique de Koh-Lanta Véronique, 10 ou Marguerite. Mais Marguerite, elle a plus subi le jeu qu'autre chose. Là, on a quelqu'un qui n'a pas à rougir de ses performances et dans les épreuves et sur le camp. C'est quelqu'un qui, apparemment, selon une interview, c'est plutôt Cyril qui est dans les stratégies et Maud qui suit. Et c'est une candidate, une doyenne remarquable. Oui, et puis à voilà. partir du moment où elle a conscience qu'elle suit et que elle l'utilise dans son jeu, il n'y a aucune critique à en faire. Hein. Pour moi, c'est le plus beau binôme de l'histoire de Koh-Lanta. Ils arrivent à l'aventure, ils sont ensemble. Ensuite, à la réunification, ils arrivent à se sauver. Comme par hasard, enfin, par miracle, ils sont en binôme ensemble, ils gagnent l'immunité ensemble. Ce serait trop beau qu'ils soient en finale ensemble, quoi. C'est vrai que c'est un très bon duo, une très belle histoire. En plus, le fait que ce soit les derniers membres de l'équipe rouge, ça rajoute aussi un petit côté sympathique à la légende. Et surtout, ils sont vraiment intéressants. Cyril, bon, on a déjà fait son portrait, il est juste monstrueux de social et très bon joueur également. Maude, pas grand-chose à dire de plus, c'est à peu près la même chose, mais en belge. La légende des Belges continue. Et moi, j'aimerais bien qu'elle gagne Koh-Lanta, vu que ça serait la première fois qu'un Belge remporte Koh-Lanta. Là, ce serait une très bonne gagnante, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on détaille encore un peu le parcours de Maud et Cyril, leur évolution dans la dynamique? Non, je dirais, là, ils ont gagné, donc forcément, ils auraient été visés de toute manière. S'ils avaient perdu, ils auraient été visés, et pour le coup, Cyril aurait sorti son collier, et là, ça aurait été le feu d'artifice. On aurait pu voir plusieurs colliers sortis pendant le même conseil, je pense. Deux candidats qui nous ont quittés dans le jeu, je précise, Pas surtout c'est un. Brice et Sophie. Alors, Sophie, bon, on n'a pas vu grand-chose d'elle malheureusement. C'est vrai que ça a été un peu La la déception. candidate oubliée Ouais, alors par contre, de ce casting. Sophie, de ce que je vois, même sur les réseaux, c'est que, je voyais en interview, elle avait eu des gros soucis familiaux parce qu'elle s'était séparée du père de son enfant 2 semaines avant Koh-Lanta. Donc elle était un peu émotionnellement en dedans. Et surtout, elle le dit elle-même, elle est pas du tout stratège, elle sait pas son truc, elle était pas à l'aise avec ça. C'est dommage qu'on l'ait pas assez vue parce que Sophie, ça a l'air d'être une vraie gentille, ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de sympa. Et ce qu'on appelle les bisous, mais une vraie bisou. Et ça fait du bien aussi parfois ce genre de candidat. Donc voilà, c'est dommage qu'on l'ait pas assez vue, on n'ait pas assez mis en avant son rôle peut-être dans l'équipe, sur son rôle peut-être de lien social. Ouais, je l'aimais Et bien je aussi, pense donc ouais. qu'elle aurait été redoutable dans les épreuves. Il faut rappeler qu'elle faisait du kitesurf. Quand on fait du kitesurf, normalement, on est plutôt à l'aise en équilibre, et c'est dommage. Brice, c'est différent. Brice, moi, j'ai envie de dire, il a joué. Alors, certes, ça va passer parce qu'il a parlé à une personne de trop, mais je trouvais que sa stratégie était vraiment bonne de sortir Cindy. Il a parlé à Claude parce qu'il pensait qu'elle était avec lui, mais je pense que s'il en parlait pas à Claude, sa stratégie passait et il sortait Cindy, et du coup, ça va être une très belle stratégie de sa part. Et j'ai trouvé son départ très très classe. Moi, je le dis bravo, Brice. C'est surtout ça qui a souligné, je pense. C'est vrai qu'on en a pas parlé, c'est dommage, c'est le rôle de Claude. C'est que Claude, qui était un petit peu mise de côté aussi au niveau du montage, mais peut-être moins qu'une Sophie ou qu'un Aurélien, qu'on voyait assez discrète. Là, c'est Brice, du coup, qui se rend peut-être pas compte du lien social qu'il existe entre Cindy et Claude. Et c'est Claude, justement, qui répète la stratégie à Cindy et qui enclenche, du coup, sa stratégie à elle. Et là, c'est très bien joué aussi de la part de Claude. Et pour Brice, moi, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est qu'il a voulu jouer, il a eu le mérite de jouer. Ça n'a pas marché, voilà, mais il est parti en jouant, et je trouvais que c'était une sortie très digne, et je pense que ouais, tout le monde, même sur les réseaux sociaux, l'a applaudi pour ça, parce que il est parti en tentant de jouer, voilà, donc il n'a pas attendu en disant, bon, bah voilà, je suis moins méritant, bah je pars, voilà, ma famille sera contente, et gna gna gna, voilà, ça change un petit peu ce genre d'élimination. Je suis content, vu que là, on l'a un peu plus découvert que d'habitude. Allez, on voyait 4 passages de lui, là, on l'a bien découvert, on a vu qu'il était stratège et beau joueur, et j'ai bien apprécié Brice. Ouais. Et qu'il était tapis dans l'ombre un petit peu pour faire un move, voilà, on sentait, il s'est dit, là c'est le moment, il avait le timing et tout, c'est la seule chose qu'il a manqué, bah c'est clos, c'est d'avoir sous-estimé ce rapport social. Mais sinon, à part ça, à part ce petit grain de sable dans le rouage, il avait tout bon quoi, mais c'est le petit grain de sable qui l'élimine. Il n'y a rien à dire, il a bien joué. El Predator dit qu'il aurait dû faire ce strat après l'immunité. Oui et non, parce que, je sais pas, pour moi, c'est peu importe quand il faisait sa strat, ça serait passé de la même manière. Claude en aurait parlé à Cindy et il finissait par sortir. Mais il ne pouvait pas savoir que Claude était aussi proche de Cindy, c'est juste ça. Là, ça fait 2 épisodes que j'apprécie plus Mohamed. Pas du tout dans la stratégie. On lui dit de faire les choses, il n'est pas d'accord, mais il le fait quand même. C'est-à-dire que quand, la semaine dernière, quand on lui avait proposé d'éliminer Béatrice, il a fait non, elle est super sympathique, je me vois pas voter contre elle. Il l'a fait. Et là, depuis le début de l'aventure, on voit qu'il est proche de Brice. Et quand on lui propose de voter contre Brice, oh non, j'ai pas envie de voter contre lui, c'est mon pote, c'est difficile. Il a quand même fait. Donc, pour ça, je l'apprécie pas trop. Je pense que ça va être lui. Ça va lui coûter la place dans l'aventure, je pense. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, qu'il finit par suivre, mais c'est juste pas son jeu, en fait. Je pense que c'est juste ça, son problème. Après, je me dis, il y aura sûrement énormément de tension. Est-ce que un Mohamed peut tirer son épingle du jeu et être un peu un vainqueur surprenant sous le radar, pour traduire l'expression anglaise, Damien? Oui, c'est possible, parce que ça reste quand même quelqu'un d'assez lisse, quelqu'un sur lequel on peut compter selon ses camarades. C'est un personnage qui peut comme ça avoir un jeu sous le radar assez sympa. Après, s'il arrive dans le carré final, est-ce qu'il serait capable d'avoir les votes en finale? À moins qu'il tombe vraiment contre quelqu'un de super détesté en finale, je vois pas trop. Mais voilà, c'est vrai qu'il est pas très stratège, il a l'air d'être un peu perdu, mais je le trouve sympathique. Il y a vraiment que Nicolas qui, pour l'instant, est peut-être un peu plus inutile que les autres. Ouais. Parce que Claude s'est un peu révélé dans ces derniers épisodes. Nicolas a un petit peu repris du poil de la bête là avec l'immunité. Bon, c'est vrai que c'était le fait qu'il était avec Cindy, donc forcément qu'il a été un petit peu embarqué dans cette dynamique. Mais Nicolas, il reprend un petit peu du poil de la bête. C'est deux qu'on n'a pas vu beaucoup sur cet épisode, c'est Angélique et le pauvre Aurélien. Mais lui, genre, pourtant, je suis sûr qu'il avait plein de choses à apporter. Je suis sûr qu'il n'est pas un mauvais aventurier, mais on le voit pas. Vous savez, comme je les avais vus vendredi, je lui ai demandé. Et je crois qu'il s'est résigné, il disait que ça le faisait chier justement de pas avoir assez de temps de montage alors qu'ils avaient des interviews toute la journée et qu'il avait dit plein de choses, mais que voilà, il s'est résigné finalement. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage, je suis sûr qu'il aurait pas mal de choses à dire. Aurélien, peut-être qu'il sort sur un collier et qu'ils veulent vraiment le cacher pour pas que les gens pètent un cap sur Twitter. C'est possible parce que c'est un mec super sympa. Il est peut-être sympa, mais pour moi, il sert un peu à rien quoi. Enfin, on l'a pas trop vu, mais... il est dans le duo Angélique-Aurélien, mais enfin, avec Angélique, mais il fait que suivre les instructions d'Angélique. Lui, c'est pas un meneur, c'est plutôt un suiveur. Et surtout, c'est que au montage, on sent que c'est quelqu'un qui est plutôt discret, plutôt introverti, et peut-être que c'est tout simplement sa personnalité, mais c'est pas parce que t'es introverti que tu n'as pas de choses à dire. Oui, tout à fait, ça. Alors, je vais prendre quelques commentaires de chat sur Aurélien. Grumeau qui nous dit qu'il vit que par son duo avec Angélique. Enzo Non, qui je vit suis pas qu'elle qui ne d'accord quand sert même. pas que à rien. Nasma qui nous parle du montage. Et que Matray qui nous dit que le montage, c'est le montage qui lui donne ce duo. Et qu'on aurait peut-être pu avoir ses réflexions sur pourquoi il aurait choisi de continuer à suivre Angélique. Alors que là, on n'a juste rien de sa part. Et que du coup, peut-être qu'il est un peu plus indépendant d'Angélique. Alors, ça me paraît quand même assez surprenant, mais pourquoi pas. Et pour reprendre ce que disait le Predator, et j'ai un peu ce même avis que lui, c'est que on les aime quasi tous cette saison. Et ça, c'est preuve d'un bon casting ou d'un bon montage également. C'est que il n'y a pas vraiment de candidats véritablement insupportables. Ils sont tous sympas dans leur et cohérents dans leur jeu, et c'est cool. C'est cool. Genre, à part peut-être la petite zone d'ombre Béatrice, mais même sans ça, elle a quand même voilà, une bonne image. C'est que pour l'épisode de la réunification, on avait dit qu'elle avait une excellente intelligence émotionnelle dans l'épreuve des ambassadeurs, une gestion du rapport de force, et ça, faut pas l'oublier non plus. C'est vrai que là, elle aurait pu faire ses stratégies face caméra, mais faut pas oublier que ça reste quand même une bonne chose, quoi. Alors, on va passer à notre traditionnelle élection du meilleur joueur de l'épisode. Selon vous, c'est qui? Ah, Cindy. Évidemment. Ouais. Cindy. Enfin, Cindy, ouais, je suis assez d'accord. moi, pour changer un peu, parce que la semaine dernière, j'ai mis Cindy, je vais mettre Maud, parce que c'est une bonne aventurière, et elle a un bon social avec les gens, puis elle a gagné l'épreuve d'immunité avec brio, donc Maud. Ah, Cindy. Voilà, là, je crois quoi, y a même pas de débat. Là, c'est Cindy, c'est la masterclass de Cindy, quoi. C'était vraiment là, y a pas photo quoi. C'est que si son coup avait marché, ça aurait pu être Brice. Ouais, c'était ou Brice ou Cindy. Brice est sorti, c'est Cindy, voilà. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors il y a quand même El Predator qui nous parle de Klo, et je suis assez d'accord, ça, que Klo n'est pas si mal. Klo s'améliore, et c'est cool. Bon, Une je m'y mention, mais lancerai un petit peu. Moi. Je c'est m'y un rôle lancerai. secondaire, quoi. La question que je me pose sur Klo, c'est est-ce qu'elle le fait par pure amitié envers Cindy, ou est-ce qu'il y a un intérêt stratégique pour elle derrière? Oh, les deux. Ouais, les Les deux, non, c'est soit elle se sert de cette amitié pour avancer, et auquel cas c'est stratégique, soit elle le fait par pure bonté de cœur, et auquel cas ça fait pas d'elle une bonne joueuse, à mon sens. Je suis pas d'accord. Oui, Je suis très bien fait par affect, et pourtant ouais. être un bon stratège. Je suis de voir Pascal. Hein. Exact. Ah oui, Pascal, c'est clairement ça. Pascal est ravi. Hein. Oh, Mais oui. faut pas J'ai pas vu oublier cette saison-là. qu'au début de l'aventure, pas au début, avant la réunification, il y avait Maxime et Claude qui discutaient et que Maxime avait dit on pourra éliminer Cindy au début de l'aventure et il y avait Claude qui avait donné son accord. Donc est-ce que après il va avoir une trahison entre Claude et Cindy, ça on sait pas parce que à Koh-Lanta, il y a vraiment toujours des surprises. Entre Klo et Maxime aussi, peut-être. Hein. Peut-être que Klo va définitivement rejoindre Cindy. Peut-être qu'elle a. Et là, Ouais, je c'est là où on pense. verrait si elle joue ou pas. C'est que, est-ce qu'elle a. Attendez que tu nous as mentionné le pacte, on va dire l'accord entre Klo et Maxime pour Tesh Cindy. Est-ce qu'au final, Klo n'a pas plus d'intérêt à aller avec Cindy? Et surtout, est-ce qu'elle le voit? Et ça pourrait être intéressant et qui pourrait confirmer un petit peu le doute de Marius là-dessus. Mohamed a des chances de partir la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, je pense pas. Mais je pense qu'après cet épisode-là, il va partir. Parce que il va faire. De toute façon, il va faire une trahison. Il va trahir Maxime. Il s'entendait bien avec lui au début. Et ou d'un autre côté, il va trahir Cindy, Chloé. Moi, des Cyril auquel il avait fait une alliance il y a peu. Donc, à mon avis, Mohamed est bien mal. Vous pouvez me confirmer quelque chose? À un moment donné, il y a une discussion entre Cindy et Cyril dans la cabane, et elle lui dit une phrase juste avant la coupure, et je crois qu'elle lui dit ce n'est pas toi qui te sauve, c'est moi qui te sauve, ou c'est pas toi. Il y a une phrase comme ça, non, qu'elle lui dit. Oui, oui. Ouais, c'est moi qui te sauve. Oui. C'est pas toi qui sauve, c'est comment, qu'est-ce qu'elle lui dit, je sais plus. Si, elle lui dit c'est pas toi qui sautais, c'est moi qui sauterai, ou un truc comme ça. Non, c'était une phrase tournée en comme quoi c'est elle qui avait le rôle principal. Non, c'était ce qu'elle voulait dire, c'était que c'était elle qui était menacée. Ouais, c'était pas qu'elle avait le rôle principal. Il me semblait pas avoir compris ça, et on s'était fait la réflexion sur le chat à ce moment-là. Je trouvais qu'elle essayait de prendre le beau rôle par rapport à Cyril, justement, et je me suis posé la question, vu que Cyril est un peu l'autre pendant stratégique, comment il allait le prendre, et si justement, parce qu'on parlait des alliances, et c'est là-dessus que je voulais rebondir, est-ce que lui et Maud, en l'occurrence, parce que c'est vraiment un binôme, je pense, vont rester fixés à l'alliance Cindy, ou s'ils sentent le vent tourner, ils vont pas la lâcher aussi vite qu'ils s'y sont ralliés. Je pense pas, ça dépendra vraiment du rôle de Maud. C'est lui qui fera la décision. Parce que si là, Cyril et Maud changent tout de suite, par exemple, ils vont être vus comme pas fiables, en fait. Du coup, ils se mettront trop en danger. Donc, il vaut mieux qu'ils attendent un petit peu, qu'ils restent avec Cindy en espérant qu'ils sortent de l'autre alliance. Et ensuite, peut-être vers la fin, quand ils approcheront du F7, F6, là, voir ce qu'ils font. Sur ces douces paroles que nous allons terminer ce podcast. Alors, Gargo, Damien, Massalia, Marius, merci beaucoup. Ravi, comme d'habitude. Merci beaucoup. Pour avoir participé à ce podcast. Damien, qui commence un peu à fréquenter certains candidats de Koh-Lanta, le podcast prend vraiment de plus en plus d'ampleur, et je vais faire un merci général à tous les intervenants qui ont pris la peine de se poser, de parler avec nous de Koh-Lanta, de prendre du temps pour analyser, d'être vraiment sérieux, de proposer des analyses pertinentes de qualité. On en a encore entendu aujourd'hui, on en a entendu les semaines précédentes. J'aimerais vous remercier, mais c'est vrai qu'avec Damien, quand on a lancé ce projet-là, on avait un peu de doute au début, forcément. Et là, on sent que le projet commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, il y a quelques critiques, évidemment, qui viennent. J'en ai vu sur la dernière vidéo de notre podcast sur YouTube. Mais c'est des critiques plutôt constructives, on comprend. Il y a quand même des retours, énormément de retours positifs. Ça fait énormément de bien, ça fait avancer le projet. Merci à vous tous de participer. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, 14h, pour un nouvel épisode autour du feu. C'est Plancaster. Aïe! Aïe, salut tout le monde! Salut!